Voici votre butin régional. En mai, à la galerie Le Harfang de Widon, on présentera les œuvres des étudiants de la polyvalente Louis Saint-Laurent. Avant le 1er mai, profitez d'un rabais sur la carte de membre au club de golf de Hastings. 819-832-3643. Le 4 mai, souper pour la fête des mères des filles d'Isabelle, cercle Saint-Louis, numéro 662, à 18h, à la salle Pierre-Labrec, au sous-sol de l'église Saint-Louis de France de Hastings. Coût, $15. Bienvenue à tous les membres. Il faut réserver avant le 1er mai. Information, Estelle Fauché, 819-832-2173. Souper de la fête des mères de la FEAS de Hastings le 11 mai à 18h à l'auberge Le Brest. Bienvenue à tous les membres. Réservation avant le 1er mai. Information, 819-832-2656. Repas de cabane à sucre à l'européenne et produits du terroir le 3 mai à l'érablière du lac d'Argent. Deux services de prévus. Un à 12h30 et l'autre à 17h30. 60 places par service. Tous sont invités. Coût, $50. Tous les fonds amassés iront au projet calendrier 2015-2016 pour la Société canadienne du cancer. Information, 819-887-6392 ou 819-877-2090 ou 819-887-6389.